La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Milan Kundera s'est voulu romancier, seulement romancier. Voilà un écrivain qui, même s'il est né voilà près de 90 ans de l'autre côté du rideau de fer, ne s'est jamais proclamé dissident, mais qui a affirmé le rôle de la littérature comme élément de déstabilisation et qui aura donné sa vie entière à la réhabilitation du roman, comme nous allons le voir cette semaine, en cherchant à comprendre également la vision du monde qu'implique son œuvre. Nous le ferons jeudi en nous demandant comment cet écrivain a envisagé la question de l'engagement politique, ou plutôt de l'absence d'engagement politique. Ce sera avec Hélène Batty-Delalande. Et puis François Taillandier viendra nous parler de la manière dont Kundera a su réhabiliter l'héritage décrié de Cervantes, c'est-à-dire, pour le dire vite, l'humour et la narration romanesque. Mercredi, je recevrai Alain Finkielkraut pour évoquer le thème de l'amour dans les romans de Kundera. Et enfin, demain, nous reviendrons sur les grandes structures de son œuvre. Ce sera avec Martine Boyer-Weinmann. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour une émission introductive et pour raconter la biographie de l'œuvre de Milan Kundera, nous sommes en duplex avec Montréal et les studios de Radio-Canada où se trouve notre invité François Ricard. Il est critique, essayiste, il a enseigné à l'université McGill, il dirige la collection Papier Collé des éditions Boréal et c'est un grand spécialiste de l'œuvre de Milan Kundera, que ce soit à travers son essai « Le dernier après-midi d'Agnès », essai sur l'œuvre de Milan Kundera, publié en 2003 dans la collection Arcade chez Gallimard, ou à travers la préface qu'il a signée de la Pléiade Kundera, parue en 2011. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Le romancier est celui qui, selon Flaubert, veut disparaître derrière son œuvre. Disparaître derrière son œuvre, cela veut dire renoncer au rôle d'homme public. Ce n'est pas facile aujourd'hui où tout ce qui est, tant soit peu important, doit passer par la scène insupportablement éclairée des masses médias qui, contrairement à l'intention de Flaubert, font disparaître l'œuvre derrière l'image de son auteur. Dans cette situation, à laquelle personne ne peut entièrement échapper, l'observation de Flaubert m'apparaît presque comme une mise en garde. En se prêtant au rôle d'homme public, le romancier met en danger son œuvre, qui risque d'être considérée comme un simple appendice de ses gestes, de ses déclarations, de ses prises de position. Or, le romancier n'est le porte-parole de personne, et je vais pousser cette affirmation jusqu'à dire qu'il n'est même pas le porte-parole de ses propres idées. Un extrait par Guillaume Gallienne du discours prononcé par Milan Kundera lors de sa réception du prix de Jérusalem en 1985. Alors nous n'avons pas encore notre invité en duplex de Montréal, mais heureusement nous avons Philippe Roger qui est toujours fidèle au poste. Bonjour Philippe. Bonjour Mathieu. Vous êtes le directeur de la revue Critique et vous venez aujourd'hui nous présenter le sommaire de cette revue. Vous deviez le faire au mi-temps de cette émission. Bon, on va le faire tout de suite, si ça ne vous dérange pas. Est-ce que, d'abord, vous avez envie de dire un mot sur Kundera, dont on va parler, en tout cas, on l'espère, dans cette émission? Je crois que vous avez été collègue à l'UHSS. Oui, il y aurait trop à dire, évidemment. Milan Kundera, ce sont beaucoup de souvenirs, des souvenirs de lecture, d'abord, et des souvenirs plus personnels aussi, puisque après son élection à l'école des hautes études en sciences sociales, nous sommes souvent rencontrés, et Kundera, je dirais, c'est aussi l'emblème d'une autre francophonie dont on parle trop peu. Mm-hmm. C'est la francophonie des écrivains qui ont choisi la langue française pour continuer une œuvre qui a commencé dans une autre langue. Puis c'est aussi le génie des titres, hein, je dirais. Qui n'a en tête l'insoutenable légèreté de l'être ? Je rappellerai simplement le dernier, peut-être prémonitoire, la fête de l'insignifiance. Ah, pourquoi prémonitoire, enfin ? Parce qu'il me semble que chaque samedi, c'est ce que nous vivons, la fête un peu lugubre de l'insignifiance. Ah, donc c'est l'irruption tout d'un coup des gilets jaunes dans la littérature. Bon, nous ne nous étendrons pas sur ce thème dont on parle déjà beaucoup à droite et à gauche. Vous voulez parler de la poétique avant toute autre chose. C'est d'ailleurs le titre du dernier numéro de Critique. C'est un clin d'œil à Verlaine et à son art poétique, de la musique avant toute chose. Et c'est en même temps un hommage posthume à Gérard Genette. Oui, vous le savez, Gérard Genette nous a quittés au printemps dernier. Et nous n'avions pas cessé, en fait, à Critique d'accompagner son œuvre. Bon, son œuvre théorique, d'abord, Naguère. Et plus récemment, cette suite de petits livres très malicieux où il mêlait des souvenirs, des réflexions. Ça fait toujours penser à ces merveilleuses petites pièces de Rossini, Les péchés de ma vieillesse. Et vous vous souvenez certainement de Barda Drac, oui, hein, en 2006, qui était le premier de la série. Le dernier de la série, malheureusement, c'est Postscript, dont Marc Cerisvello rencontre dans notre numéro. Parce qu'il y a toujours eu beaucoup d'humour chez Gérard Genette, et il en instillait déjà assez discrètement dans ses ouvrages de poétique. Il y a tout un goût de la légèreté, de la liberté. Stendhal était son héros, j'ose pas dire son dieu. Et en 2012, nous avions réalisé un entretien avec lui pour Critique. Et je me souviens que ça m'avait étonné. Pour le titre de l'entretien, il avait choisi le mot « désinvolture », ce qui était évidemment très loin de tous les clichés actuels sur la maussaderie supposée du structuralisme. Alors, c'est pas un numéro exactement sur Gérard Genette, si ? Non, parce que avec Jean-Louis Janel, et c'est Jean-Louis Janel qui a piloté le numéro, nous nous sommes posé une question toute simple. Quel genre d'hommage est-ce que Genette aurait aimé qu'on lui rende ? Et la réponse nous est apparue assez évidente. Il fallait honorer Gérard Genette à travers la discipline qu'il a contribué à fonder, c'est-à-dire la poétique. Est-ce qu'on peut redire exactement ce que c'est que la poétique ? Alors, c'est une manière d'aborder les textes proches de ce qu'on a appelé la lecture de proche, la lecture de près, le close reading en Amérique, mais très influencé aussi, pour des raisons de date, d'histoire aussi, par le structuralisme. Donc, voir les textes en leur existence non pas close, mais d'une certaine manière pour eux-mêmes, et en même temps observer toutes les règles qui s'y jouent, règles génériques et autres, hein, ça fait beaucoup évidemment. Ce qui nous a frappé, c'est que les études de poétique restent aujourd'hui très vivantes. Alors je cite quelques titres tout récents, l'an dernier, au plus, « Fiction à la chaîne » de Mathieu Letourneux sur la littérature sérielle, paru au Seuil, « Logique du genre dramatique » de Jean de Guardia, paru chez Droz, qui revient de manière tout à fait originale sur la triade classique Corneille, Racine, Molière. Et puis bien sûr, il y a Composition de Michel Charles, au Seuil cette année. Michel Charles qui dirige la revue poétique, puisque la poétique comme discipline a sa revue éponyme. Et avec Michel Charles, nous avons réalisé un entretien qui paraît dans ce même numéro. Et ce qui est intéressant, c'est que même des essais qui se démarquent de la démarche poéticienne continuent de dialoguer avec la poétique. Je pense par exemple au romanesque des lettres de Michel Murat, paru chez Corti. C'est d'autant plus intéressant, il nous a semblé, qu'il y a là une sorte d'exception française. Vous voulez dire que c'est différent à l'étranger ? Oui, alors vous me direz une exception française de plus, mais oui, c'est différent. Un peu partout dans le monde, les études littéraires, j'en suis témoin parce que j'enseigne une partie de l'année aux États-Unis, se laissent attirer par les sirènes, dont le chant pourtant n'est pas toujours très mélodieux, je veux dire les cultural studies à l'américaine. Et comme vous le savez, cher Mathieu, je ne vous l'apprends pas, les sirènes sont carnivores, et c'est plutôt la littérature qu'elles boulottent, en l'occurrence. Et chez nous, eh bien, la poétique fait de la résistance, et je dirais c'est tant mieux pour la littérature. Et ce n'est pas à dire non plus que les poéticiens de 2018 se contentent de répéter les poéticiens des années 70, pas du tout. À preuve, le rapport tout à fait nouveau qu'on voit s'instaurer en ce moment entre poétique et histoire littéraire. Pendant longtemps, l'histoire littéraire a servi de repoussoir un peu de tête de Turc aussi à la poétique. Et cette hostilité paraît aujourd'hui tout à fait dépassée entre l'attention portée au texte dans la poétique et l'intérêt porté au monde dans l'histoire littéraire, entre autres. C'est désormais une espèce de paix des braves, et c'est ce que nous avons essayé de montrer dans le numéro. Et voilà, ça donne envie de lire Critique. Je suis sûr que Milan Kundera serait tout à fait d'accord avec vous, puisqu'il est plutôt du côté de la poétique que d'autres choses. C'est en tout cas ce que nous allons demander à François Ricard, qui est avec nous depuis Montréal. Et bonjour François Ricard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je ne sais pas si vous avez pu entendre tout à l'heure l'extrait lu par Guillaume Gallienne du discours prononcé par Kundera lors de sa réception du prix Jérusalem en 1985, mais j'imagine que vous le connaissez bien évidemment. Oui. Dans cette introduction que vous avez faite aux œuvres complètes de Kundera dans la Pléiade, vous n'avez donc pas parlé de la vie de Kundera, vous avez fait une biographie de son œuvre, précisément pour cette raison qu'énonçait l'écrivain dans le discours au moment de l'extrait qu'on a diffusé, que finalement la vie de l'écrivain cache l'œuvre de l'écrivain. Je sais qu'on vous a déjà souvent interrogé sur cette question, parce que c'est assez rare que les écrivains soient aussi fermes dans leur volonté de ne pas parler de leur vie. Mais est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu les raisons qui font que Milan Kundera préfère qu'on ne parle pas au fond de sa biographie et qu'on parle de ses livres ? Je crois d'abord et avant tout parce qu'il a toujours estimé que l'attention portée à la vie d'un écrivain nous risque, en tout cas souvent, de nous détourner de l'attention qu'il faut porter à son œuvre et conduit très souvent à des mésinterprétations, à des réductions. On a trop tendance, et surtout dans son cas, je pense que son cas est particulier, on a eu trop tendance dans le passé peut-être à ramener l'œuvre romanesque de Kundera à ses positions politiques, à son activité, ou du moins à ses penchants politiques, et à lire ses romans à travers l'actualité, à travers la géopolitique. Et je pense que pour lui, c'est très important de, non pas d'isoler l'œuvre, parce que bien sûr, sa vie est un matériau constant, c'est un des matériaux dont il se sert pour écrire ses romans, mais il a toujours craint, comme d'autres avant lui d'ailleurs, il y a quand même des précédents, on pense à Proust, on pense à Valéry, il a toujours pensé que l'écrivain devait s'effacer et laisser son œuvre se débrouiller toute seule. Alors il a supprimé les notes biographiques de ses romans, mais il en reste quand même une qu'il valide et qui dit « Milan Kundera est né en Tchécoslovaquie, oui, en 1975, il s'installe en France ». Voilà. Ça en revanche, c'est quand même une rupture suffisante pour qu'on puisse finalement le mentionner. C'est une rupture absolument majeure et qui se reflète dans son œuvre, c'est-à-dire l'œuvre de Kundera, telle qu'on peut la contempler aujourd'hui, telle qu'on peut la lire. Cette œuvre est divisée assez fortement entre la partie tchèque, la première partie, il y a quand même 7 grands romans qu'il a écrits en tchèque, et une deuxième partie qui a été écrite en français, et Kundera de plus en plus se considère et considéré aussi, d'abord et avant tout, comme un écrivain mondial, c'est un concept important chez lui, mais plus localement comme un écrivain français. Il a quitté ce pays, il a été chassé en quelque sorte de ce pays, et il a refait sa vie, il a refait son œuvre après son émigration en France. Et c'est pas du tout étonnant qu'aujourd'hui, par exemple, on trouve en librairie les romans de Kundera, même les romans tchèques, même La plaisanterie ou L'insoutenable légèreté de l'être, les romans écrits en tchèque, on les trouve dans la collection blanche de Gallimard. Je pense que c'est lui qui a voulu marquer ainsi son entrée ou son appartenance à la littérature française. Mais littérature française ou littérature francophone, quelle serait la différence en l'occurrence pour lui ? Oh, je ne sais pas, j'en ai jamais discuté avec lui. À ma connaissance, il n'en a jamais vraiment parlé. Mais vous savez, pour lui, la littérature française a été la voie privilégiée d'accès à la littérature mondiale, à cette velte littérature qu'il vénère tellement. Bon, toute la première partie de son œuvre est écrite en tchèque, donc cette œuvre ne pouvait sortir du pays. Il fallait toujours passer à travers les traductions. Et ces traductions étaient faites toujours à partir du tchèque, qui est une petite langue, il faut bien le dire, que très souvent peu de traducteurs connaissent. Et parfois, elles ont été mal traduites, justement, ces œuvres de Milan Kundera. Et il a tenu justement à ce que les traductions vers l'étranger, parce qu'il y a un nombre inconsidérable de traductions, il est traduit pratiquement dans toutes les langues du monde, il a tenu à ce que ces traductions se fassent à partir d'une langue, d'une grande langue comme le français, qui est maîtrisée, qui est connue, qui peut être traduite facilement dans le monde entier. C'est quelque chose d'absolument fondamental pour lui. Et c'est pourquoi il a refait, au milieu des années 80, il a passé 2 ou 3 ans de sa vie à refaire les traductions françaises de ses... ou du moins à corriger, à peaufiner les traductions françaises de ses romans, parce que pour lui, ses textes français, y compris ceux de ses tout débuts, ses traductions, sont aussi authentiques que les originaux tchèques. Alors c'est aussi ce qu'on entend en creux de ce que vous dites, François Ricard, un écrivain qui fait extrêmement attention à son œuvre, qui la retravaille sans cesse. Alors on peut se dire que peut-être que ce qui a été imprimé dans les pages de la Pléiade font aujourd'hui référence pour toujours, mais en tous les cas c'est un écrivain qui a toujours beaucoup retravaillé, et pour cette raison-là il souhaite qu'on n'aille pas sortir des brouillons, éditer des repentirs ou des variantes, François Ricard. Exactement. Il a déjà un peu dénoncé ce qu'il appelle cette morale de l'archive. Vous savez, quand on a, parce que je n'ai pas édité cette édition de la Pléiade, cette œuvre dans la Pléiade, c'est un travail que j'ai fait avec lui, c'est lui qui est le maître d'œuvre, vraiment, qui a décidé que son œuvre pouvait se tenir toute seule. Mm-hmm. Elle n'avait besoin ni de biographie de l'auteur, mais d'un certain nombre d'éclaircissements sur l'œuvre elle-même, sur l'évolution de cette œuvre elle-même, pas besoin de biographie de l'auteur, et surtout pas besoin de tout cet appareil qu'on trouve aujourd'hui généralement dans la Pléiade, et qui est justifié à ses yeux, je crois, lorsqu'il s'agit d'œuvres classiques, d'œuvres anciennes, qui demandent précisément une sorte de décodage, mais il refuse donc d'envelopper, de cacher son texte derrière des variantes, des notes explicatives. Il estime que ces textes n'ont pas besoin de ça. Et oui, vous avez raison, je pense pas qu'il ait conservé beaucoup, enfin il en a peut-être conservé, mais il va pas les conserver toujours, beaucoup de documents autographes, de manuscrits, de choses comme ça. Écoutez la compagnie des auteurs sur France Culture et nous sommes avec François Ricard en duplex de Montréal pour parler de Milan Kundera au cours de cette émission introductive. Alors, pas tant pour parler donc de la biographie de cet écrivain, on vient de voir un petit peu pourquoi. Pour Milan Kundera, c'est le sens du roman qui évidemment compte, le roman qui ne doit pas être autobiographie, qui ne doit pas raconter la vie de l'auteur, mais qui doit interroger la situation existentielle de l'homme. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu, François Ricard, justement sur cette notion de situation existentielle. Quel est finalement le projet romanesque à travers cela pour Milan Kundera? Vous savez, tout à l'heure, vous parliez de la poétique. C'est vrai que Kundera attache une importance considérable à tout le travail du texte, à la composition, à l'organisation de ses livres. Mais pour lui, le roman, en même temps, a une portée cognitive, une portée herméneutique, c'est-à-dire le roman est, il a dit dans un de ses livres, est une sonde existentielle, c'est-à-dire c'est un moyen de découvrir, de comprendre, ou du moins d'interroger, d'explorer l'expérience humaine, l'expérience de la vie humaine, d'abord et avant tout. C'est pourquoi il fonctionne toujours à partir de thèmes. Il parle souvent de thèmes existentiels, c'est-à-dire de grandes questions, de grandes énigmes. Il s'agit, au fond, en creusant les choses, de remettre en question des choses qui, souvent, nous paraissent aller de soi. La poésie, par exemple, l'amour, la politique, la révolution, etc., etc. Qu'est-ce qui concrètement constituent ces situations. Qu'est-ce que, concrètement, qu'est-ce qu'un poète? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'un amoureux? Qu'est-ce qu'un quelqu'un qui vieillit, etc. Et c'est, donc, c'est pas seulement un poéticien, c'est aussi quelqu'un qui, pour qui le roman a un rapport direct avec le monde et avec l'existence humaine. Dans ce cas-là, de plus, vous savez, le roman doit explorer, dit-il, les différentes possibilités de l'homme. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'un poète, je pense ici, bien sûr, à La vie est ailleurs, son deuxième roman, qu'est-ce qui arrive lorsqu'un poète se retrouve dans une situation comme celle de la révolution communiste en Tchécoslovaquie à la fin après la guerre? Toujours ce sont toujours des espèces d'épreuves, de pièges. Il s'agit de placer ces personnages, ces égaux expérimentaux, comme il les appelle, de placer l'homme, l'individu, dans un contexte où il va révéler certaines de ses possibilités qu'il ne connaissait pas lui-même ou qu'il mésinterprétait. Vous parlez du poète pour dire que il n'est pas seulement poète, Milan Kundera, mais il l'a été et il a même été un poète lyrique au début de sa vie. François Ricard, il faut peut-être quand même le raconter ça. Dans notre biographie de l'œuvre de la Pléiade, donc il y a quelques petites sections qui s'appellent Préhistoire. C'est-à-dire que pour Kundera, l'histoire de son œuvre qu'il assume pleinement, qu'il considère comme sienne, commence à la toute fin des années 50, lorsqu'il écrit sa première nouvelle, qu'il n'a pas republiée depuis, qui s'appelle « Moi, Dieu pitoyable ». Il découvre là, dit-il, la prose. Il découvre là sa voie, son chemin. Alors, tout ce qui précède, parce qu'il avait quand même commencé à écrire et à publier dès le début des années 50, et il le considère maintenant comme une préhistoire, une préparation, sinon comme une période un peu d'errance. Et cette préhistoire, vous y avez eu accès, vous l'avez lu, à quoi ressemble-t-elle? Milan Kundera, poète, c'était quoi? Ben, il y a trois recueils de poèmes qu'il a publiés dans les années 50. Bon, les deux premiers sont vraiment des textes de jeunesse, de la poésie de jeunesse, un peu enthousiaste, lyrique. Par contre, le dernier, qui s'appelle Monologue, qui a été publié donc en 57, à la toute fin, le dernier est beaucoup plus intéressant et a été considéré d'ailleurs dans son pays comme vraiment une percée dans la poésie. Et d'ailleurs, Kundera va permettre la réédition de ce livre jusqu'au début des années 60. Mais après, il décide de faire une croix là-dessus, comme d'ailleurs sur une partie de son théâtre. Il a écrit une pièce qui marque vraiment une étape dans la dramaturgie tchèque, ce qui s'appelle « Les propriétaires des clés ». Il a écrit cette pièce qui a remporté un grand succès, qui a été étudiée, qui a été diffusée, et pourtant il ne l'a pas reprise dans la Pléiade parce qu'il considère que ça n'est pas encore lui, ça n'est pas encore sa voix, son œuvre, son regard sur le monde. Mais qu'est-ce qu'il reproche fondamentalement à la poésie? Parce qu'on comprend qu'on peut avoir tous des repentirs, tous les écrivains en tous les cas, sur leurs œuvres de jeunesse, mais il y a un rapport à la poésie et donc au lyrisme de la poésie qui est là. Oui. Plus problématique chez Kundera que chez d'autres écrivains. Pourquoi? Oui. Pour quelle raison? Mais en réalité, c'est assez bien expliqué à ce sujet. Je pense qu'il n'a rien contre la poésie. Pour lui, la poésie est un des plus grands arts. C'est peut-être le sommet de la littérature, c'est-à-dire la poésie comme travail de la langue, comme recherche d'une beauté tout à fait particulière. Par contre, il en a beaucoup contre le lyrisme, pas seulement contre la poésie lyrique, mais contre le lyrisme. Et pourquoi? Quel est le mal avec le lyrisme, finalement? Parce que sa conception du lyrisme, c'est une conception un peu hegélienne, c'est-à-dire, c'est pour lui, le lyrisme, c'est le fait d'être complètement... c'est l'exaltation du moi, en quelque sorte. C'est l'enfermement dans sa propre sensibilité, dans ses propres sentiments, ce qui... forcément conduit à une forme d'aveuglement. Et je le répète, le livre où il a le plus étudié cette attitude lyrique, c'est bien sûr La vie est ailleurs, où l'on voit un poète, un bon poète, contrairement à ce qu'on a pu dire, un bon poète, Jaromil, qui est complètement fourvoyé justement par son lyrisme, par cette façon d'accorder une préséance à ses propres sentiments, à ses propres désirs. Autrement dit, donc, le lyrisme, c'est un rideau derrière lequel se cache la réalité de nos existences. L'existence est beaucoup plus prosaïque, l'existence est beaucoup plus complexe, beaucoup plus imprécise que ce que veut bien croire le poète lyrique ou ce que veut bien croire la le lyrisme. Donc si on voulait résumer ou caricaturer, on pourrait dire que finalement Milan Kundera est du côté davantage de l'intelligence que de l'émotion. Est-ce que ça vous paraît juste? Je pense que oui, bien sûr. Il a pensé, par exemple, c'est dans l'immortalité, je crois, cette grande partie qui s'appelle Homo Sentimentalis. Il y a des pages extrêmement dures de Kundera contre cet aveuglement du sentiment. Il dit quelque part, on ne peut pas voir clair quand on a les yeux remplis de larmes. Bien sûr, il est du côté de la lucidité, il est du côté de l'intelligence. Mais il n'y a pas une certaine dureté aussi dans cette manière de voir? En tout cas, c'est le reproche qu'on peut lui faire. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit un reproche, parce que, en fait, ce n'est pas de la dureté, c'est de la lucidité. On dit souvent que Kundera était cynique. Il n'est, à mon avis, jamais cynique. Il est drôle, il est très souvent drôle. Il est ironique, mais il n'est certainement pas cynique. Vous savez, il a à la fois... Il n'y a pas de mépris pour l'humanité, pour la vie humaine chez lui. Au contraire, il y a un attachement profond à la vie humaine, mais il veut explorer la vie humaine telle qu'elle est réellement, et non pas à travers les mythes qui la recouvrent. Il faut voir ce que c'est que le fait de vivre, le fait de grandir, de vieillir, de souffrir, de mourir, en le dépouillant de tous les oripeaux que peuvent y ajouter la poésie, le lyrisme, le sentimentalisme, etc. Donc non, moi je pense que c'est un écrivain lucide, mais pas du tout cynique. C'est un écrivain, au contraire, extrêmement attentif au concret de l'existence. Par exemple, le rapport avec ses personnages. Kundera aime tous ses personnages. Il y a à peu près il jamais... Il les comprend en tous les cas, il ne les juge pas vraiment. Il y a à peu près jamais de personnage chez lui qui soit tout uniment méchant ou ridicule. Au contraire, chaque personnage est complexe et il aime ses personnages, du moins il leur est attaché. Il se projette constamment en eux. Ce sont pour lui des égaux expérimentaux. L'adjectif expérimental est important ici, mais égaux aussi. Donc, je pense que c'est faire fausse route et c'est aborder Kundera sous un mauvais angle que de chercher chez lui uniquement l'aspect critique qui existe, qui est d'ailleurs, à mon avis, parfaitement réjouissant et tonifiant. Mais il y a aussi cette attention portée à la réalité concrète de l'homme d'aujourd'hui, de l'homme contemporain. Quand j'étais en Tchécoslovaquie, je me sentais très cosmopolite. Et maintenant, quand je suis en France, au contraire, n'est-ce pas, c'est toujours comme ça. Alors, je me sens très, pas tchécoslovaque, tchèque aussi naturellement, mais je me sens très mitteleuropéisch, n'est-ce pas, de l'Europe centrale. Je suis souvent un peu agacé parce que, savez-vous, nous vivons dans le monde des clichés. N'est-ce pas? Nous sommes persécutés par les clichés. Nous devons nous toujours défendre contre beaucoup de clichés très idiots. Et un des clichés très idiots, c'est la notion de l'Europe de l'Est. Je déteste cette notion. Naturellement, cette notion de l'Europe de l'Est a un certain sens du point de vue politique, n'est-ce pas? C'est incontestable que depuis 1945, l'Europe est divisée à la moitié de l'Est, à la moitié de l'Ouest. Mais du point de vue culturel, la notion de l'Europe de l'Est n'a aucun contenu. Aucun contenu. Je ne sais pas, je ne crois pas que, par exemple, Mozart ou Beethoven sont des compositeurs de l'Est, n'est-ce pas? C'est idiot. Ou Franz Kafka, c'est pas un écrivain de l'Est, n'est-ce pas? Ce sont les auteurs de l'Europe centrale. Et l'Europe centrale, c'est vraiment une très grande tradition, très spécifique, qui a fait naître toute la musique européenne, par exemple, n'est-ce pas, de l'école du classicisme viennois jusqu'à l'école de Schoenberg, jusqu'à Bartok, et qui a fait naître surtout une très grande génération des écrivains, qui est peut-être le plus important pour la littérature européenne. Et ça, c'est la génération de Franz Kafka. entretien accordé en 1976 à Viviane Forrester. Alors, François Ricard, Milan Kundera est donc né à Brno, en Bohême, en Tchécoslovaquie. Quel vous semble être son attachement, la nature de son attachement à la culture, à la fois de son pays et peut-être plus largement à la culture de la Mitteleuropa? Bon, je pense qu'il l'a dit lui-même à plusieurs reprises. Là, il y a vous avez cité cet entretien. En réalité, ça prépare un de ses plus grands textes, un de ses plus grands essais, qu'il n'a pas repris dans la Pléiade, malheureusement, mais que j'ai cité abondamment dans la biographie de l'œuvre. C'est-à-dire son texte sur un Occident kidnappé, et où, dans lequel il reprend en gros et développe les idées que nous venons d'entendre. Quel est son rapport avec l'Europe centrale? C'est un rapport extrêmement étroit, bien sûr. C'est ce qui l'a formé, c'est le contexte culturel premier qui l'a formé. Culturel et historique aussi, parce qu'il y a des expériences quand même qu'il a dû traverser en même temps que tous ses concitoyens, la révolution communiste de 48, le communisme en général, le printemps de Prague plus tard. Bien sûr, oui, tout ça est absolument majeur. On peut pas le séparer tout à fait, certainement, de son œuvre, de son expérience même littéraire. Mais ce qui a toujours été important pour lui, il le dit au tout début de l'entretien qu'on vient d'entendre, c'est qu'il a toujours eu cette, quand il était là-bas, à Prague, il a toujours eu cette propension au cosmopolitisme, c'est-à-dire cette ouverture, cet intérêt pour, non seulement pour la culture d'Europe centrale, mais pour l'Europe en général, pour l'Occident en général. Il s'est toujours considéré, dès le départ, je crois, comme un écrivain ou un artiste, parce qu'au début, il faisait aussi de la musique, comme un artiste d'Occident. Il était compositeur, d'ailleurs. C'est peut-être important de le signaler, parce que ses œuvres sont aussi composées comme des sonates ou comme des symphonies. Mais il a reçu une formation musicale extraordinaire. Son père était un grand pianiste, un ami, un élève de Janáček. Et d'ailleurs, il dit quelque part que, autant que la poésie dans sa jeunesse, la composition musicale occupait une grande place pour lui. Mais la musique, c'est aussi pour lui une forme de lyrisme. Alors, il a complètement abandonné tout cela. Mais pour revenir à son expérience d'Europe centrale, bien sûr, on ne peut absolument pas la nier. Jamais lui n'a essayé de la nier. Mais il faut pas oublier non plus le fait qu'il a toujours cru que l'Europe centrale non seulement appartenait à l'Europe de l'Ouest, à l'Europe, mais que l'Europe centrale avait quelque chose à donner à l'Europe, avait toujours donné quelque chose d'essentiel à la culture européenne, à la culture occidentale, mais que celle-ci avait parfois tendance à l'oublier. Mais il a consacré une partie de son travail critique, parce que on peut considérer Kundera comme un grand critique aussi à travers ses essais. Consacrer une partie de son œuvre critique, donc, à non pas réhabiliter, mais à introduire, à initier les lecteurs d'Europe de l'Ouest aux grands auteurs de l'Europe centrale, en particulier dans le domaine du roman. Il a voulu, en quelque sorte, briser cette espèce de tradition ou de vision un peu franco-française ou occidentale du roman européen qui n'aurait été que français, anglais, un peu espagnol, en revalorisant et en révélant, en quelque sorte, l'apport de grands romanciers un peu marginaux dans la culture française, mais qui il a contribué à redonner de l'importance, comme Mouzil, comme Thomas Mann, comme Broch, comme Gombrowicz. Pour lui, c'est une part très importante de la culture européenne. Et il a fait un travail formidable de ce côté-là pour élargir, en quelque sorte, notre vision du roman, de l'histoire du roman, de la géographie du roman. Alors, je vous propose de réentendre, ou plutôt d'entendre un nouvel extrait d'un entretien de Milan Kundera, cette fois-ci avec François Nourricier. Il date de 1980 et vous allez voir qu'il y parle de ses années en Tchécoslovaquie avant son départ pour la France. Ma vraie carrière littéraire, c'est-à-dire, si je ne veux pas parler de choses sans importance, a commencé, disons, au commencement des années 60. À cette époque-là, j'ai écrit « Risibles amours » et « La plaisanterie ». Et c'était à l'époque où, en Tchécoslovaquie, malgré le système de Novotny, existait une liberté relativement assez grande que les Occidentaux ne savent pas assez bien comprendre. Je comprends que ce n'est pas facile d'expliquer. Après l'invasion russe, pratiquement toute la culture tchèque a été gommée. À cette époque-là, j'ai resté encore au pays. J'ai écrit la vie est ailleurs et la vase aux adieux. Mais après l'invasion russe, je ne pouvais plus publier, mais même tous les livres que j'ai écrits étaient écartés des bibliothèques. Pas des bibliothèques privées, mais des bibliothèques publiques. Et tout simplement, je n'existais plus. Mais n'existais pas publiquement, vous savez, parce que je n'aime pas faire le mélodrame de ma vie. Ça a aussi ses avantages. C'est-à-dire, c'était une époque quand je pouvais me concentrer merveilleusement à mon travail. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors François Ricard, il faut raconter un petit peu quand même la réception de ses premiers livres. D'abord en Tchécoslovaquie, on a dit qu'il avait d'abord été poète. Ensuite, il y a ce recueil de nouvelles. Et puis il y a La Plaisanterie. Au départ, La Plaisanterie passe sous les fourches codines de la censure avant progressivement d'être interdit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rapport de Kundera à son pays à ce moment-là, et puis on a entendu là dans l'archive que finalement on allait d'une certaine façon le mettre de côté, ce qui n'avait pas que des désavantages, vient-il d'expliquer. Pouvez-vous nous raconter un petit peu cette première partie de la vie de Kundera dans son pays ? Oui, bien sûr, mais bon, je vous avais parlé là des fourches codines de la censure. Ces fourches étaient passablement émoussées à l'époque. Comme il le dit lui-même, pendant les années 60, alors qu'il devient vraiment l'écrivain qu'il est, c'est une période, vous le savez, de grande effervescence. C'est la période où se prépare le printemps de Prague. C'est l'âge d'or de la culture à Prague. Oui, c'est là. Une des grandes décennies de la culture moderne en Tchécoslovaquie. Il y en avait quand même eu déjà auparavant, pendant les années 30 en particulier. Et donc, Kundera fait partie d'un vaste mouvement qui touche aussi bien le théâtre, le cinéma, on le sait, c'est la grande époque du cinéma tchèque. La philosophie cinéma, même. Voilà, philosophie, etc. Et il a le sentiment, je crois, de faire partie de ce grand mouvement, de cette ouverture sur l'Occident, de cette modernisation et des idées et de la culture, de cette transformation du public. Et c'est une époque donc où l'art et la littérature et la philosophie occupaient une place absolument centrale. Et il participe à ce mouvement. Il est membre du parti. Il est à l'Union des écrivains. Et il y a eu en 1967 ce grand congrès de l'Union des écrivains, lors duquel il a prononcé un discours qui a été republié à peu près partout dans le monde, un discours dans lequel il insiste sur le lien entre la culture, entre l'épanouissement culturel et la vie de la nation. Bref... Il a applaudi pendant un quart d'heure, dit la légende. Oui, c'est ça. Bref, il est vraiment au centre, un des centres en tout cas de toute la vie culturelle et intellectuelle dans son pays. À quoi met fin brusquement, bien sûr, l'invasion russe de 1968, qui est absolument terrible pour lui. Et d'écrivain de premier plan qu'il était jusque-là, c'était vraiment considéré comme, même depuis ce qu'il avait publié dans les années 50, mais surtout à cause de La Plaisanterie et de Risibles Amours, il était devenu un des grands noms de la littérature de son pays. Du jour au lendemain, donc, il devient une sorte d'inconnus, d'étrangers, comme il le disait tout à l'heure, il n'existait plus. Mm-hmm. Bon, et il l'a dit, c'était quand même pas une période, il faut pas mélodramatiser, comme il dit, c'était pas quand même au début une période si dure. Pendant 5 ans, même plus, pendant 7 ans, il a vécu, au fond, d'une vie très retirée, une vie non pas oisive, mais une vie de loisirs, Parce qu'on lui interdisait aussi d'enseigner. Il était enseignant. Il ne pouvait pas travailler. Il aurait peut-être pu travailler dans la rue, mais il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait pas publier, ni dans les revues, ni dans les maisons d'édition. Vraiment, c'est comme si on avait gommé d'un coup son nom de tout et son existence. Mais comme il le dit, comme il vient de nous le dire, c'est quand même une période assez riche pour lui, où dans laquelle il publie non seulement La vie est ailleurs et La valse aux adieux, ou non pas publie, il écrit La vie est ailleurs et La valse aux adieux, mais aussi Jacques et son maître, la pièce de théâtre qu'il va reprendre un peu plus tard. Mmh. Donc c'est une période, il le dit lui-même, c'est une période assez joyeuse d'un côté, c'est-à-dire heureuse d'un côté, mais en même temps sombre parce qu'il a le sentiment profond de la fin de quelque chose. Est-ce qu'il y a déjà des liens qui se tissent à ce moment-là avec la France? Parce que son premier roman, La plaisanterie, est terminé en 1965. Il le publie en 1967. Et puis, il va être traduit en français. Et je crois que c'est en 68 qu'il paraît chez Gallimard avec une préface qui est une préface d'Aragon. Donc, c'est quand même pas rien, j'imagine, d'être préfacé comme ça. Et puis, quelle préface en plus? Bien sûr que non. C'est sûr que c'est très, très important. Et d'ailleurs, Kundera a conservé cette préface pendant des années avant de décider de la retirer des éditions de son roman parce qu'il estimait peut-être que ça orientait la lecture dans un sens qui n'était plus souhaitable pour lui. Mais c'est vrai, La plaisanterie est publiée chez Gallimard en 68 et à partir de là, à partir de l'édition Gallimard, le roman rayonne dans le monde entier. C'est grâce à Gallimard, c'est grâce à la publication française que le roman devient une œuvre avec une audience internationale. Et donc, il a, même après sa relégation, après son interdiction en Tchécoslovaquie, il est très près de Gallimard. D'ailleurs, Claude Gallimard, le patron à cette époque, va souvent à Prague pour voir Kundera. Et c'est grâce à Claude Gallimard, d'ailleurs, que Kundera peut lui refiler les manuscrits de La vie est ailleurs, de La valse aux adieux, qu'il ne peut plus publier à Prague et qui vont paraître en première édition mondiale en français chez Gallimard. La valse aux adieux en 73, La vie est ailleurs en 73, La valse aux adieux en 76. Donc, dès cette époque, il a un lien privilégié avec la France. La France est sa porte d'accès à l'ensemble de la littérature internationale. Donc il y a ce lien privilégié et en même temps, le pas n'est pas franchi tout de suite. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, il décide d'émigrer? Oui, ben je pense que la situation pour sa femme et lui est devenue un peu intenable. On peut imaginer, je ne sais pas, je ne suis pas entré dans ces détails, mais on peut imaginer qu'au début, il réussissait quand même à survivre avec les droits d'auteur que lui avait valu la plaisanterie, mais ça fait un temps. Et il doit chercher d'autres sources, bien sûr, de subsistance. Et c'est d'ailleurs un peu dans ces circonstances qu'il écrit Jacques et son maître, qui sera joué, mais sous un faux nom, sous un pseudonyme. Et qui va tourner, d'ailleurs, c'est assez drôle, en Tchécoslovaquie pendant des années, le pouvoir sache qu'il s'agissait d'une pièce de Milan Kundera. Le pouvoir est un peu bête parfois, vous savez, mal renseigné. Et donc, ça peut durer un temps, mais la situation devient difficile à tenir au bout de quelques années. Et il décide, sans hésitation, d'abord, il décide, sa femme et lui, donc d'émigrer en France en 75, à l'été de 75, parce que à Paris, en France, des amis comme justement Claude Gallimard, comme Dominique Fernandez, comme Pierre Nora, des amis lui ont trouvé un poste à Rennes. Et dans à l'université, son esprit, comme professeur à associé. À l'université de Rennes, voilà, comme professeur de littérature comparée. Et dans son esprit, à lui, son œuvre est terminée. Enfin, une fois quitté son pays, une fois quitté sa patrie, il a le sentiment que son œuvre est terminée. Et d'ailleurs, le premier titre de La valse aux adieux, le dernier roman qu'il vient d'écrire à ce moment-là, c'était Épilogue, c'est-à-dire, conclusion, la fin. Et il part en France, dit-il, libéré de la littérature et libéré de la politique. Il devient un professeur à Rennes. Il a beaucoup aimé cette expérience et au bout de quelques années, il réussira à venir à Paris. Mais alors, c'est ça qui est assez à la fois passionnant et étonnant, c'est que en effet, il est très heureux pendant ces 3 années où il enseigne à Rennes. Ce sont 3 années où il ne fait pas de politique et où il n'écrit pas, où il pense qu'il n'écrira plus. Qu'est-ce que ça dit de son rapport à l'écriture? Est-ce que finalement l'écriture pour lui est quelque chose de l'ordre de la souffrance? Puisque quand il arrête d'écrire, finalement, il n'est jamais aussi heureux que pendant ces moments-là. Mais je ne crois pas que ce soit l'écriture qui le fasse souffrir. Je crois que c'est tout ce qui vient avec l'écriture qui, à cette époque, le faisait souffrir. Ou en tout cas, l'ennuyait. C'est-à-dire, la pression du public, la pression des éditeurs, et aussi, cette espèce de devoir patriotique, de devoir politique, du moins, qu'impliquait la condition d'écrivain. C'est de tout, et avec constamment les débats, les polémiques, les chicanes. Alors, je crois qu'il en avait assez de tout cela. Et que pour lui, venir à Rennes, devenir un simple professeur de littérature comparée dans cette ville de province, pour lui, c'était un bonheur tout à fait nouveau, inattendu. C'est un repos en même temps. Oui. Alors, un enfin, repos... il allait être tranquille. Parce qu'il avait quand même, il faut imaginer, là, depuis les années 50, essayons, depuis le début des années 50, depuis le moment où il a eu 20 ans, on n'a qu'à imaginer la vie mouvementée qu'il a eue. Il a traversé 20 années, vous l'avez dit tout à l'heure, 20 années de bouleversements politiques, de changements de régime, de luttes constantes. Et alors là, il souffle un peu quand il arrive en France en 75. Alors il souffle, mais il y a quand même un malentendu autour de sa personne, qui est que pour les Français, c'est un dissident. Et la plaisanterie, qui a eu aussi, je crois, un assez bon succès à sa sortie en France, notamment à cause de ou grâce à la préface d'Aragon. Un immense succès. Joue du coup dans l'image qu'on va avoir de Kundera pendant des années. Et puis précisément cette préface d'Aragon, elle a aussi un but pour Aragon qui est de se distancier un tout petit peu comme ça sur la fin de sa vie du régime communiste. Donc tout ça, ça va peser quand même beaucoup dans la réception française et peut-être même mondiale, hein, François Ricard. Vous voyez, alors il arrive... Il cherche au fond à se faire oublier, mais assez vite, même s'il veut fuir la politique va le rattraper. On est alors, et c'est pas seulement en France, dans l'ensemble de l'Occident, en pleine guerre froide, on est à l'époque des dissidents, on est à l'époque où de grands écrivains, des intellectuels venus d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale, en fait des pays communistes, composent cette population un peu bizarre, mais très très en vue, qui est celle des dissidents, dans laquelle, bien sûr, on incorpore Kundera, puisqu'il vient de là-bas, puisqu'il a été persécuté, entre guillemets, par le régime. Est-ce qu'il accrédite ça un petit peu aussi, au moins au début? Mais au début, il écrit un certain nombre de textes à ce sujet, dont celui que je mentionnais tout à l'heure, Un Occident kidnappé, mais enfin, un assez bon nombre. Et il le fait un peu par devoir, il le fait un peu parce qu'il a, bon, il a une certaine notoriété en France, et il le fait un peu pour aider la cause, pour aider ses compatriotes, et aider les immigrés comme lui. Mais assez vite, il en a assez. Assez vite, il est là de cette manière qu'on a de ne lire son œuvre comme on lit un peu à l'époque celle de Solzhenitsyn, par exemple, c'est-à-dire comme une œuvre uniquement de dénonciation politique et non pas justement d'exploration de l'existence humaine. Et c'est l'époque où moi, personnellement, je l'ai connu. Il était venu à Montréal à cette époque. Et je m'occupais d'une petite revue littéraire, la revue Liberté, et nous l'avions accueilli et nous avions publié à son sujet un numéro dans lequel j'avais fait un texte où, en bon provincial que j'étais, que je suis toujours, où je ne tenais presque aucun compte de la dimension politique de son œuvre qui jusque-là allait jusqu'à la valse aux adieux. Et je faisais une analyse purement littéraire de son travail. Et bien sûr, ça l'a ravi. D'abord qu'une revue de langue française s'intéresse à lui, c'était la première. Et surtout qu'on fasse des lectures dépolitisées, ou du moins des lectures plus esthétiques, plus littéraires de son œuvre. Il a été ravi, et c'est à partir de là que notre lien s'est établi. Mais pour lui, c'était assez angoissant. Et ça a duré, dit-il, jusqu'au milieu des années 80, sinon un peu plus tard, c'était pratiquement jusqu'à la chute du communisme, dit-il. Et la chute du communisme l'a libéré d'une certaine manière, et a libéré ses livres de cette enveloppe politique sous laquelle ils avaient été, cet emballage politique sur lequel ils avaient été lus. Et il dit quelque part, enfin, la plaisanterie a été lue non plus comme une dénonciation du régime communiste, mais comme un roman d'amour. La compagnie des auteurs, vous êtes bien sur France Culture et nous parlons avec François Ricard de Milan Kundera. François Ricard, vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de Radio-Canada à Montréal. Le succès, il va être mondial, François Ricard, notamment avec ce livre dont le titre est connu, je crois, par des millions de lecteurs dans le monde. C'est l'insoutenable légèreté de l'être. Et même de non-lecteurs, les journalistes le reprennent dans leur titre assez souvent, en le modifiant parfois. C'est à ça qu'on voit qu'un titre a accédé finalement à la culture populaire. Alors c'est un livre dont les éditeurs ne voulaient pourtant pas, mais que Milan Kundera leur a imposé, François Ricard. Le titre, le roman, bien sûr, je pense qu'il n'a eu aucune difficulté. Mais pardonnez-moi, je voulais dire un titre. Oui, le titre, qui était un peu inusité dans le contexte de l'époque, ces mots un peu abstraits, insoutenables, être en particulier, on avait l'impression que ça ne pouvait pas coiffer un roman, que c'était une sorte de traité de philosophie. Mais il l'a imposé. C'est une œuvre qui, bien sûr, comme vous dites, a fait de lui presque du jour au lendemain une sorte de star mondiale de la littérature. C'est devenu, il y a eu presque une mode Kundera à cette époque. Mais ce qu'il faut noter, il y a eu le film aussi, mais que lui n'aimait pas beaucoup. Voilà le film auquel il n'avait pas vraiment participé. Enfin, je ne crois pas qu'on ait entré dans tous ces détails ici, mais c'est un roman donc encore écrit en tchèque, c'est-à-dire c'est le roman, un roman publié en 84, donc en français. Puisque maintenant tout est publié en français, même ce qu'il écrit en tchèque. Entre-temps, il a été fait citoyen français par François Mitterrand. Voilà, en même temps que Julio Cortázar en 81. Et donc, ce livre, L'insoutenable légèreté de l'être, appartient à ce que j'ai appelé la troisième période de son œuvre, c'est-à-dire la période où, vivant en France, étant de plus en plus connu en France, ayant de plus en plus de relations, de liens, d'amitié en France, il continue malgré tout à écrire en tchèque. Il va écrire donc le livre du rire et de l'oubli en 79, qui, curieusement, vraiment curieusement, va faire de lui un écrivain majeur aux États-Unis. Mm-hmm. Le livre a été, c'est formidable quand on voit aujourd'hui à quel point ce livre a été célébré au moment de sa parution, alors qu'on avait aux États-Unis jusque-là à peu près ignoré La plaisanterie, Risibles amours, les autres titres. Oui, il y a aussi des histoires d'édition qu'on raconterait bien si on avait un peu le temps, mais qui ont joué dans la réception aux États-Unis. Donc il y a une quatrième période, puisqu'on arrive là tout doucement vers la fin de l'émission, et cette quatrième période, elle est particulièrement intéressante parce que c'est le moment où Milan Kundera tout de même change de langue et va écrire directement en français. C'est tout de même un acte assez fort, comme ça, à la fois dans une vie personnelle bien et puis sûr. Dans une vie d'écrivain. Bien sûr. Oui, c'est absolument majeur. Mais ça se tramait, ça se préparait quand même depuis assez longtemps. Non seulement depuis que Kundera était arrivé en France en 1975. Vous voyez, cette période française, elle commence vers 90. Donc ça se préparait depuis au moins 75, mais bien avant. Kundera avait déjà traduit du français quand il était Apollinaire en particulier, quand il était en Tchécoslovaquie. Donc il y avait cette propension vers le français. Il s'y tourne, ça n'a pas été un drame pour lui, je crois. Il s'en est expliqué quelque part. Il dit au fond, ça n'a rien changé. Et je pense qu'il a raison quand on lit ses livres. Surtout même ses livres tchèques qu'il avait refait en français, comme je le disais tout à l'heure, à la fin des années 80, c'est le même style, c'est le même univers, ce sont les mêmes thèmes. Par contre, dans les romans, puisqu'il y aura trois romans, quatre finalement, il invente une forme qu'il n'avait pas guère pratiquée jusque-là, qu'il appelle la forme de la fugue, c'est-à-dire des romans beaucoup plus petits, mais des romans qui continuent, au fond, à poursuivre le même objectif, la même mission que les romans tchèques qui l'avaient précédé. Donc on peut citer la lenteur, l'identité, l'ignorance et la fête de l'insignifiance qui n'est pas dans la Pléiade, parce que ça date d'après la Pléiade. Oui, elle y est maintenant. Ça, c'est dans le tome 2, alors. Oui, dans le tome 2, c'est un mauvais tour que Kundera a joué à son éditeur. On a fait l'édition de la Pléiade en 2011. Il n'avait pas encore publié La fête de l'insignifiance, puisque ce livre est de 2013. Mais finalement, il y a eu une nouvelle édition du deuxième tome dans laquelle on a intégré en janvier dernier. Voilà. Mais la fête de l'insignifiance, à mon avis, c'est un peu à part. La grande période française de Kundera, pour moi, c'est les trois romans, Lenteur, Identité, Ignorance, et les essais. C'est une très grande période. Kundera, on l'oublie trop souvent, est un très grand essayiste. Alors, cette œuvre d'essayiste, elle a commencé un peu plus tôt, en 86, avec l'art du roman, mais dans les années 90 et 2000, il y a eu ces grands livres absolument magnifiques sur le roman, mais à travers le roman, sur la situation contemporaine, sur l'histoire de l'art, etc., que sont ces grands livres, que sont Les Testaments trahis, Le Rideau et Une rencontre. Mm-hmm. Et enfin vient, pour moi, La fête de l'insignifiance, donc beaucoup plus tard, après un silence romanesque de presque 15 ans, ça ne s'est jamais vu. L'ignorance remontait à 99, et là, en 2013, il publie cette fête de l'insignifiance comme une sorte de cadeau qu'il nous fait, un cadeau inattendu. Et pour moi, c'est vraiment la conclusion, la fin, la signature de l'ensemble de son œuvre. C'est un petit livre, en apparence léger, mais un livre d'une richesse et d'une importance absolument fondamentale. Merci beaucoup, François Ricard. Merci. Je rappelle que vous êtes donc le préfacier de la Pléiade Milan Kundera, dont le tome 2 est paru en janvier 2017 aux éditions Gallimard. On vous doit également, toujours chez Gallimard, laisser L'après-midi d'Agnès. C'est donc sur l'œuvre de l'écrivain franco-tchèque. Cette émission n'aurait pas pu avoir lieu sans Laurence Genepin, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Stéphanie Vélin, Emmanuel Morse-Duncan et les techniciens de Radio-Canada que je remercie. Demain, on poursuit notre exploration de l'œuvre de Kundera avec cette fois Martine Boyer-Weinmann, autrice de l'essai « Lire Milan Kundera », c'est aux éditions Armand Collin. Tout de suite la poésie, Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Cette semaine, nous la passons avec Yvon Lemaine. C'est pas français, Lemaine. Si, sinon j'aurais dit The Man. Et puis peu importe, c'est français, puisqu'il est breton. Mais cette fois, il nous ramène pas sa Bretagne. Ah non, il la ramène pas. Il revient des voyages. Il a noté, il a observé avec l'attention d'un poète qui ne nous expose pas aux tempêtes, aux grands tumultes, aux bourrasques soufflant depuis Guernesey. Non, un cri fendu en mille, dit-il, c'est aux éditions Bruno Doucet. Entre ciel et mer, un arbre sorti de la terre, comme un bouquet. Venise, au cimetière San Michele. Comme un point, comme un cri sorti de la gorge, à la ligne. Un nom, comme pour ne pas oublier, un homme parmi les hommes, à la ligne. Ni meilleur, ni pire qu'un autre. Point d'interrogation, espace, sûrement pire, espace. Cet homme a dit des mots, des phrases, écrit des phrases, des livres sûrement, espace, qu'il vaut mieux oublier, qu'il ne faut pas oublier, pour ne pas oublier, espace. Que ces mots, ces phrases, ces pages, ces livres sûrement, ont couvert des crimes. Dans une époque où le crime était monnaie courante, où les assassins couraient les rues, habillés de noir comme l'intérieur de nos tombes et l'intérieur de leurs âmes. Entre ciel et terre, je suis penché sur la tombe de cet homme. Le poème prend sa direction avec le premier vers couché sur la page. Il suit un cours de hasard heureux et termine par une clarification sur la vie, pas forcément une grande clarification comme celle sur lesquelles les sectes et les cultes sont fondés, mais un état provisoire contre la confusion. Ça, c'est une citation de Robert Frost au début du livre. « Entre ciel et terre, je suis penché sur la tombe de cet homme, espace, et je pense qu'une vie contient toutes les vies qu'un homme a rencontrées au cours de sa vie, espace. Et je sais que cet homme a rencontré des hommes que j'admire, que j'ai lus, que je lis, espace. Et je crois qu'entre terre et ciel, espace, il y a de quoi se perdre. Dans les questions que pose un homme à un autre homme, entre terre et mer sous le ciel, où repose au cimetière de San Michele le corps d'un homme qui fut le poète Ezra Pound. » Fin du poème. Ezra Pound, qui fut condamné pour ses propos antisémites en 1945 et son attitude pro-nazi pendant la guerre. Il y a deux façons d'envisager le globe, dit Yvon Le Maine. L'une, en le globalisant davantage encore jusqu'à ce qu'il nous bouche la vue par les chiffres et sans les lettres, jusqu'à ce qu'il nous éclate à la figure comme un ballon de baudruche au lieu de s'envoler dans le ciel qui nous relie. L'autre, en se confiant justement au ciel qui nous relie. Nous qui sommes des fils du ciel et en tant que tels, fils du même père. Donc, frères. Merci Jacques Bonafé pour ces lectures de poèmes d'Yvon Le Maine.